Cécilia ou Mémoire d'une héritière par Fanny Burney. Livre deuxième, chapitre premier, Un homme opulent. L'effronterie avec laquelle M. Harel s'était attribué une action qu'il devait à la générosité de M. Arnott augmenta le dégoût que Cécile sentait depuis longtemps pour lui et servit à la confirmer dans la résolution qu'elle avait prise de quitter sa maison. Sans attendre plus longtemps les avis de M. Monckton, elle résolut de se rendre tout de suite chez ses autres tuteurs et de voir s'ils trouveraient auprès d'eux plus de douceur et de tranquillité. Elle se rendit au logis de M. Briggs. Elle se nomma, et un petit polisson tout dégunillé qui était sur la porte la fit entrer dans une salle basse où elle attendit avec assez de patience pendant une demi-heure. M. Briggs parut enfin. C'était un petit homme, gros et vigoureux, ayant de petits yeux noirs et perçants, un visage carré, un teint olivâtre, et un nez tant soit peu recourbé. Sa parure ordinaire, tant l'hiver que l'été, était un habit complet couleur de suie, des bas de laine tramés de bleu et de blanc, une chemise sans manchettes et une perruque ronde. Il était rarement sans un bâton à la main, sur l'extrémité duquel, toutes les fois qu'il ne parlait pas, il posait constamment sa tête. Il entra, au grand étonnement de Cécile, en tenant sa perruque sur les doigts de la main gauche, tandis qu'avec la droite, il en arrangeait les boucles. Et malgré la rigueur de la saison, sa tête chauve était nue et sans chapeau. « Eh bien, s'écria-t-il en entrant, vous pensiez que je ne viendrais pas ?» Cécile commença à lui faire des excuses de ce qu'elle n'était pas venue le voir plus tôt. « Bon, bon, s'écria-t-il, toujours dans le monde, on n'a pas un instant pour se voir. Charmant tuteur, monsieur Harel, et l'autre, où est-il ? Où trouver Don Bouffy ? Si vous entendez par là, monsieur Telvil, je vous avouerai, monsieur, que je ne l'ai point encore vu. » Je l'ai cru ainsi, cela est égal, tout aussi bien ne pour le voir du tout. Je vous dirai seulement que c'est un duc allemand, ou un Don Fernand espagnol. Mais vous m'avez, sans quoi vous seriez à plaindre. Une paire d'imbéciles, ne sachant quand il faut vendre et quand il convient d'acheter. Je n'ai jamais eu le moindre commerce avec aucun d'eux. Nous nous sommes rencontrés, une ou deux fois, par hasard, et cela pour rien. J'ai seulement entendu Don Braga compter les grands ses ancêtres, incapables, tous tant qu'ils sont, de tirer le moindre profit de l'argent. Après lui vient M. Harel, d'un révérence à chaque mot. Regarde sa montre, aussi grosse à peu près qu'une pièce de 12 sous. Pauvre innocente, voilà un couple de tuteurs singuliers. Eh bien, vous m'avez, je vous le répète, faites-y réflexion. Cécile ne sut absolument que répondre à ces discours étranges et le laissa parler sans l'interrompre tout le temps qu'il jugea à propos, jusqu'à ce qu'il eût épuisé tous ses sujets de plainte et exhalé son humeur. Alors, arrangeant sa perruque sur sa tête, il avança sa chaise tout près de la sienne, et fixant ses petits yeux noirs sur elle, sa colère se calma tout à coup, et il parut de la meilleure humeur du monde. Après l'avoir regardé pendant quelque temps avec beaucoup de satisfaction, il lui dit d'un air malin, « Eh bien, ma poulette, avez-vous déjà sans doute un amoureux ?» Cécile se mit à rire et répondit que non. « Ah, petite friponne, je ne vous crois pas. Ce sont des contes, il faut parler franchement. Il convient que je sois informé. N'êtes-vous pas ma pupille ?»« Certainement bientôt majeur. »« Pas tout à fait encore. Au fond, qu'est-ce que cela me fait ?» Alors elle l'assura beaucoup plus sérieusement qu'elle n'avait aucune confidence de cette espèce à lui faire. « Eh bien, quand vous seriez dans ce cas, quel mal y aurait-il ? Sûrement il se présentera assez de galants en faisant les passionnés. » Écoutez quelques bons avis. Gardez-vous des escrocs. Ne vous en rapportez pas aux boucles de souliers. Toutes celles qui brillent ne sont pas toujours de vrais diamants. Tout n'est que tromperie. Un homme du bon ton est souvent aussi artificieux qu'un autre. Ne donnez jamais votre cœur à celui dont la pomme de la canne vous paraît d'or. Ce n'est autre chose que du cuivre doré. Tout n'est que fraude. Il vous dépouillerait en moins d'une année. Vous laisserez sans le sou. Le seul moyen de vous mettre à l'abri, c'est de me les amener et de me consulter. Cécile le remercia de ses avis et promit de ne pas les oublier. Voilà l'unique moyen de n'être pas trompé, continua-t-il. Amenez-les-moi, ils ne m'en imposeront pas. Je connais leur rubrique, et nous serons à deux de jeu. Je demanderai qu'ils me montrent l'état de leurs revenus. Je verrai la figure qu'ils feront. Certainement, monsieur, cette méthode est excellente, et je me propose bien de la suivre. Oui, oui, je suis au fait de leurs manœuvres. Je connaîtrai bientôt s'ils sont ou ne sont pas au-dessus du père. Ne vous laissez pas éblouir par les dorures, ce n'est que du clinquant, apparence et point de substance. Vous feriez mieux de vous en rapporter à moi. J'aurai soin de vous. Je sais où trouver ce qu'il vous faut. » Elle le remercia de nouveau, et plus que satisfaite de ce qu'elle venait d'entendre, sans désirer de nouveaux conseils de sa part, elle se leva pour s'en aller. « Eh bien » répéta-t-il. Il fut sans signe de la tête d'un air tout à fait gracieux. « Je vous dis encore une fois de vous en rapporter à moi. Je vous trouverai un mari tel qu'il vous le faut. Ainsi, ne soyez pas en peine. » Cécile, en riant, le pria de s'épargner ce soin et l'assura qu'elle n'était point du tout pressée. « Tant mieux, dit-il, bon enfant. Il n'y a rien à craindre pour vous. Je chercherai et j'en trouverai un. Cela n'est pas bien aisé, non plus. Les temps sont durs. Les bons maris, rares. Guerre et révolution. Fond bas. Femme dépensière. Mais soyez tranquille. Faites de votre mieux. Vous serez bien placé. » Elle partit, toute occupée de la scène qui venait de se passer, et réfléchissant sur la singularité de sa destinée qui lui faisait fuir une maison où elle venait de voir avec douleur dominer une faiblesse qui, restreinte dans de justes bornes, aurait fait le bonheur de celle où elle allait retourner. Elle conclut cependant que, quelque dangereuses que fussent les conséquences d'un luxe immodéré, ses effets étaient néanmoins plus flatteurs et moins révoltants qu'une avarice sordide. Cependant, l'un et l'autre lui étaient également odieux, et elle ne désirait pas moins fuir les extravagances injustes et répréhensibles de M. Harel que la parcimonie déplacée et rebutante de M. Briggs. Elle se rendit ensuite à la place de Saint James, persuadée que son troisième tuteur, à moins qu'il ne ressemblât à l'un des deux autres, devait nécessairement leur être préférable.